La culture, c'est dur à définir, hein. C'est un mot qui peut faire peur, qui peut être clivant, mais qui peut rassembler surtout et captiver beaucoup. La culture, ça va des contenus grand public qu'on regarde, lit, écoute, jusqu'à tous les sujets de niche, les clubs de passionnés, les péchés mignons. Dans Contre-soirée, on va juste parler de tout ça. Le plus important, c'est qu'on n'est pas des experts, on est une bande de jeunes passionnés de culture. C'est pas nous qui allons vous parler du top iTunes du moment, des dernières sorties ciné, de ce récent scandale littéraire ou de la polémique d'hier sur Twitter. D'autres le font mieux que nous. Non, nous, on va plutôt se poser la question de la place du rap dans les playlists des vingtenaires. On va se demander pourquoi est-ce qu'on aime toujours aller au cinéma, ou pas. On va s'interroger sur nos façons de lire, du papier aux liseuses ou l'inverse. On va partager nos usages des réseaux et ce que ça stimule au fond de nous. Dans ce qu'on aborde, on va essayer de ne rien oublier, et soyons fous, on va essayer d'être exhaustif sur l'étendue des sujets que l'on va traiter. Bien sûr, vous pensez aux séries, à la musique, à Internet, à la lecture, mais on est certain que d'autres choses font autant partie de ce qu'on appelle culture. Notre rapport au temps, aux écrans, notre rapport à la connaissance à l'heure où l'on peut tout trouver sur Google, notre rapport au voyage, à la découverte, le langage et notre façon de parler, la culture geek, les emojis, les mèmes et tous les codes tacites sur Internet, le dessin, la BD, la peinture, le théâtre, la scène, le stand-up, plus généralement l'humour sous toutes ses formes, l'audio, la radio, les podcasts, les messages vocaux qu'on s'envoie sans se poser de questions, les données personnelles et la mise en avant de nos vies privées, Twitch et la consommation de live en général, et puis le jeu vidéo, la gamification comme on dit, de nos vies, les making-of, les coulisses, les dessous de la culture, l'image, le son, la publicité et la communication. On va même parler de la culture quand on était ado, revenir un peu en arrière pour mieux penser le futur. Vous voyez, c'est large, la culture. On ne va pas critiquer tout ça. On ne va pas encenser tout ça. Le but, c'est juste d'en parler, d'arrêter de croire que c'est acquis, que c'est normal, creuser un peu nos usages. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, de notre génération? Et puis au-delà de ça, on va essayer de s'émerveiller un peu, de recenser tout ce qui est beau et bon dans la culture de notre monde. Il y en a marre de brasser du négatif. Cette émission, elle s'appelle Contre-soirée. Parce qu'à nos âges, les discussions profondes et intéressantes, elles viennent quand on ne s'y attend pas. Parfois, en soirée, il y a trop de bruit, alors on s'isole. Et puis une amie nous rejoint, et puis quelqu'un d'autre. Et là, au détour de la discussion, on refait le monde. Il y a urgence à parler de tous ces sujets. Le monde avance si vite avec Internet qu'il faut prendre une pause, s'arrêter. Comme ce blanc, on prendra le temps de s'écouter, puis de parler. Alors passez une contre-soirée hebdomadaire avec nous, tous les jeudis soirs à 19h. Vous pouvez nous écouter sur radioprésence.com ou nous regarder sur YouTube, en direct, à partir du 5 septembre 2019. Et puis bien sûr, Contre-soirée est aussi disponible en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute pour réécouter les épisodes quand vous voulez, où vous voulez, écouter hors connexion, faire pause, revenir en arrière, cliquer sur les liens qu'on vous mettra. On se retrouve donc en direct ou en podcast et sur nos réseaux @ctrsoirée. À bientôt dans Contre-soirée.